Merci. Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, en fin de semaine, c'était la traversée internationale du lac Saint-Jean en fat bike. Et ça a été vraiment intéressant, malgré des conditions météorologiques qui étaient très, très difficiles. D'abord, à noter que chez les hommes, que Elliot Doy de Ville-d'Alma a pris le premier rang avec un temps de 1h30 minutes et 10 secondes. Le deuxième rang est allé à Jean Westphal et le troisième rang est allé à Éric Auger. Chez les femmes, encore une fois, les athlètes du secteur ont bien fait. Rebecca Beaumont a terminé au premier rang. Beaumont a négocié le parcours avec un chrono de 1h49 minutes et 41 secondes. Et Anne-Julie Tremblay a pris le deuxième rang. Et Caroline Boyau a terminé au troisième rang. Maintenant, parlons de golf, ou plutôt des Jeux du Québec. La région a récolté 5 médailles comme prévu, et c'est comme prévu en patinage de vitesse sur contre-piste que ça a très très bien été. Marie-Jeanne Gilbert a gagné la médaille d'or aux 500 mètres. Victoria Garraud de la Baie a pris le deuxième rang aux 400 mètres. Chez les hommes, notons qu'Emilien Blackburn a remporté 2 médailles, une médaille d'argent aux 500 mètres et une autre médaille au relais. Et au relais 2000 mètres, l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pris le premier rang. Et il a devancé la région de Québec. Jusqu'à maintenant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a 13 médailles, donc 5 médailles d'or, 7 médailles d'argent et une médaille de bronze. Maintenant, parlons de golf. Pierre-Alexandre Bédard et son collègue Max Gilbert ont pris le 17e rang sur 40 équipes dans un tournoi qui s'est tenu récemment à Orlando. Le golfeur de Chibougamau et son collègue ont ramené une carte de moins 18. Au tournoi à Saint-Ambroise maintenant, les Loups de Dolboum-Cessny en Midget A ont remporté leur troisième tournoi de suite en défaisant le Marcos Pop de Saint-Félicien 4 à 2. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. On a également parlé de boxe avec le boxeur LDR Alvarez qui a remporté un combat contre Lucian Bouté en fin de semaine. Également, je me suis entretenu aussi avec David Simard. Il y avait pas mal de compétitions de patinage de vitesse sur contre-piste en fin de semaine. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.